Vivons notre tendre amour comme au temps des beaux jours, au temps de mes saisons et quelques jours, au temps où nous pensions que nous nous aimerions toujours. Mon amour, je suis de retour. J'ai depuis longtemps regretté ce jour où je n'ai pas été ce que tu attendais. J'ai depuis toujours regretté le temps où même en été je n'ouvrais pas mes volets. Vivons notre tendre amour comme au temps des beaux jours, au temps de mes 16 ans et quelques jours, au temps où nous pensions que nous nous aimerions toujours. Mon amour, je suis de retour. Mon amour, je suis de retour.